Voici votre bulletin régional pour le 9 décembre. Le 10 décembre, de 13h30 à 19h30, se tiendra, à la salle Guy Veilleux de Courchire, une collecte de sang. Le 12 décembre, dès 19h30, à l'église Saint-Louis de France, on pourra entendre Marie-Denise Pelletier en spectacle. Informations et réservations au 819-560-8600.